Bienvenue à cette édition de Topo Vocal du 31 janvier 2020. Bonjour Louis-Xavier. Salut Charles. On va se parler des nouvelles de cette semaine autour de Saint-Jérôme. Je vais commencer par te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un chien, un corgi, qui a été secouru dans la rivière du Nord, en dessous du pont Castonguay, samedi dernier, le matin. Il y a des gens qui étaient sur le pont Castonguay qui entendaient des hurlements. Et puis, ils ont appelé les pompiers, finalement, pour se rendre compte que c'est ça, il y avait un chien qui était accroché tout près d'un ancien barrage là, qui est aménagé en dessous du pont. Oui. Puis le chien avait les deux pattes là, accrochées sur la surface de glace, puis le reste de son corps dans l'eau. Puis évidemment, il n'y avait personne qui était équipé pour aller le secourir, donc on a appelé les pompiers. Oui. Moi, j'ai parlé avec le chef aux opérations qui était présent cette journée-là, mais, Michel Boucher. Puis lui, ben, il a mobilisé son équipe de sauvetage nautique. Ils ont un bateau gonflé là, qu'ils peuvent installer, puis ils s'habillent pour ne pas avoir fret dans l'eau. Puis ils sont allés sur la rivière secourir le chien. Le chien n'était pas identifié parce que... On s'est rendu compte un peu plus tard que c'était un chien qui était hébergé temporairement chez un conseiller municipal de la ville de Saint-Jérôme qui s'appelle Éric Bach. Donc, Éric Bach et son fils hébergent un chien en ce moment pour quelques semaines. Puis, le chien était perdu depuis jeudi. Donc, jeudi après-midi à samedi matin, ça veut dire que le chien était en cavale pendant 48 heures un à peu près. Touriste en cavale à Saint-Jérôme. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il connaît pas l'endroit, puis il se retrouve à... Et malheureusement, il se retrouve à l'eau. Ben, c'est ça. Ben, écoute, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, comme le chien n'était pas identifié au départ, les pompiers l'ont ramené à caserne. Ils ont appelé la SPCA, puis en attendant, là, ce qu'on m'a dit, c'est que, écoute, ils l'ont abrié avec des couvertes parce qu'il y avait froid. Ils l'ont séché un petit peu au séchoir à cheveux. Ils ont donné n'importe quoi qu'ils pouvaient lui donner à manger. Donc, ils en ont pris bien soin, puis ça a pris quelques heures, puis finalement, il a été récupéré par la famille de M. Bach. M. Bach m'a dit aussi que, c'est ça, ils l'ont amené chez le vétérinaire, puis ça n'a pas été très long. Là, il a été pris en charge. Ils lui ont donné une pâtée super nourrissante pour chien en hypothermie. Ah, voilà. Puis, finalement, ben, il y a une couple de blessures là, sur le ventre, ou en tout cas proche de ses pattes. Parce que Corgi, c'est pas nécessairement un chien qui est très haut sur pattes, donc on peut s'imaginer que ça a dû être assez difficile pour le chien. En fait, c'est un petit chien, s'appelle Luna. Oui, c'est un petit chien. Et puis, mais un petit chien très courageux, dans le fond. Évidemment, là, M. Bach était... être très, très reconnaissant du travail des pompiers. Il cherche un moyen là, de les remercier publiquement. J'imagine qu'il va trouver le moyen, mais c'est ce qui va être écrit dans notre texte là, qui est apparaître au plus tard, au début de la semaine prochaine. Donc, belle histoire. Une belle histoire de sauvetage. Chien sauvé des eaux froides de la rivière du Nord. Absolument. Et puis, écoute, j'ai parlé aussi, il y a des gens qui étaient sur le bord, qui entendaient le chien au centre-ville. Puis, il semble que les cris de détresse d'un chien dans l'eau, ça déchire le cœur. J'en douterais même pas. Ça doit être assez particulier comme expérience. C'est ça. Bon, toi, tu veux nous parler d'un autre sujet au Palais de justice? Au risque de faire une continuité, pour trouver un élément qui nous permet de faire la suite, on va parler d'un autre membre du conseil municipal. De Saint-Jérôme, oui. Cette fois-ci, dans un contexte nettement différent, puisque c'est le maire Stéphane Maher qui, finalement, subira, à compter du 25 mai prochain, un procès pour fraude électorale. M. Maher avait été accusé de ce méfait-là, en lien avec Le fait qu'il ait décidé d'évincer de son parti politique en vue des élections de 2017, il avait décidé d'évincer Mario Fauteux et André Marion et de les remplacer par deux autres candidates. Mais ça, c'est pas du tout répréhensible. Mais ce n'est pas du tout ça qui fait l'objet de l'accusation. Ça, c'est l'événement. Et dans le contexte de cette annonce-là qu'il a faite à messieurs Fauteux et Marion, M. Maher leur a vraisemblablement offert des emplois rémunérés à même des fonds publics. Et c'est là que c'est à cause de cette technicalité-là ou de cet élément-là qu'il est mis en accusation, puisque ça, c'est illégal. On ne peut pas, en échange que quelqu'un ne se présente pas, on ne peut pas lui offrir un avantage quelconque et encore moins un avantage ou un emploi public. Alors, M. Maher avait, par le biais de son avocat, tenté de faire casser cette accusation-là. Juste pour rappeler aux gens, les accusations ont été portées en mai 2019. À la suite de plaintes déposées par M. Fauteux et Marion dans les jours qui ont suivi l'événement et à la suite d'une enquête du directeur général. Mais c'est ça, là, c'est pas des plaintes civiles, là, c'est du droit pénal. Absolument, oui, absolument. Okay. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec, comme je le disais, M. Maher avait, dans le cadre de sa défense, avait tenté de faire casser l'accusation, invoquant le fait que la médiatisation de cet événement-là l'avait déjà en quelque sorte fait son procès sur la place publique. Et que il n'y a aucun juge de la Cour du Québec qui était capable de lui accorder un procès juste et équitable à cause de la médiatisation. Parce que tous les juges lisent les journaux? C'était tout ça l'argument? Effectivement. Okay. L'avocat de M. Maher a déposé une imposante revue de presse. Il avait même, lors de la première comparution, fait allusion au fait qu'il ferait peut-être entendre 47 témoins, puisque, semble-t-il, il avait compilé plus d'une quarantaine de textes d'informations. Donc, il avait dit « je vais faire témoigner une quarantaine de journalistes ». Alors, dès le départ, c'était un peu la tournure que la procédure avait prise. Okay. Puis comment le juge a reçu cette requête? La requête en cassation, bien, elle a été prise en délibéré par le juge durant quelques semaines. Et puis, le 22 janvier, il y a quelques jours à peine, le juge a finalement rendu sa décision et a jugé que la requête était invalide. Et que le procès va donc avancer à compter du 25 mai. OK. Donc, est-ce qu'on sait déjà combien de temps il est prévu pour le procès? Le tribunal a prévu 5 jours pour la durée du procès. Il y a plusieurs témoins qui vont être entendus, notamment les plaignants, Mario Fauteux et André Marion. Ouais. Ainsi que parmi les témoins déjà identifiés, bien sûr, M. Maher lui-même, ainsi que Gilles Robert et Benoît Beaulieu, qui, eux, étaient présents avec M. Maher au moment où l'annonce a été faite aux conseillers Fauteux et Marion. Oui. OK. Puis est-ce que ces jours-là vont être consécutifs? Est-ce que, mettons, le 25 mai, ça commence? Oui. Le tribunal a réservé la semaine après, du 25 mai. On a l'impression que ça pourrait être terminé, c'est ça? Bien, vraisemblablement, l'ensemble de la preuve et des démonstrations devraient être capables de se faire en dedans de 4-5 jours. Okay. Et c'était le consensus à la fois de la poursuite et de la défense que 5 jours suffiraient largement. Oh, très bien. C'est bon. Écoute, une autre situation, Saint-Jérôme, mais cette fois face à ses voisins. La rue La Montagne était un endroit frontière entre... Saint-Jérôme, Saint-Colomban, même une partie de Mirabel. Oui. Puis c'est un enjeu de circulation. Ça doit faire plus qu'un an là, que, dans le fond, la ville de Saint-Jérôme a dit « Tu ne peux plus tourner sur la rue La Montagne à partir de la rue Saint-Nicolas pour accéder à l'autoroute. » Voilà. En arrivant de Saint-Colomban. Oui. Alors que c'est le chemin le plus court, c'est le chemin le plus direct. C'est le chemin le plus court, c'est le chemin qui a été aménagé dans un... qui était prévu dans un plan d'aménagement qui date de 2005, qu'on a déjà publié, qui était, dans le fond, la route qui est faite pour ça, de cette largeur-là. Oui, et qui aboutit directement sur un accès à l'autoroute, sur les bretelles. Mais là, on se retrouve 15 ans plus tard. Il y a des gens qui habitent là depuis quelques années qui trouvent qu'il y a trop de circulation. Et puis, la ville de Saint-Jérôme accède à leur demande en disant « Bon, ben OK, on va envoyer le trafic ailleurs. » Sauf qu'ailleurs, ben, il n'y a pas énormément d'autres options. La nouvelle option, c'est de passer par Saint-Nicolas, de faire un détour de... quoi, 2 ou 3 kilomètres, il me semble bien. À peine. C'est pas très long, mais non. C'est 2 intersections supplémentaires, des feux de circulation, ça se passe à l'heure de pointe. Puis les gens qui passent là disent « Ouais, mais on passe en avant d'une école. » Oui, aussi. aussi. En tout cas, bon, cette situation-là... Il faut dire aussi, pour bien situer l'enjeu, que la majorité des gens qui utilisent cet accès à l'autoroute sont en bonne partie des résidents de Mirabel en haut et de Saint-Colomban. Oui, absolument. Donc, Saint-Colomban avait décidé d'aller devant la commission municipale pour demander une sorte de juridiction sur la signalisation, une sorte de juridiction partagée. Puis cette requête-là a été rejetée par la commission municipale la semaine dernière. Donc, moi, j'ai demandé au maire de Saint-Colomban qu'est-ce qui se passait, parce qu'évidemment, du côté de la ville de Saint-Jérôme, on se réjouissait d'avoir pleine autorité sur la rue La Montagne. C'était même écrit dans un communiqué là, qu'on a publié que les familles de la rue La Montagne se réjouissaient. Donc, ce que j'ai pu obtenir du maire de Saint-Colomban actuellement, Xavier-Antoine Lalande, c'est qu'ils sont en train d'évaluer la situation avec les procureurs de la ville. Et puis, ils vont voir s'ils le portent dans une autre instance. Là. Je ne sais pas exactement c'est quoi qui est au-dessus de la commission municipale. Mais c'est ça. Visiblement, ça se réglera pas tout de suite. Ou sinon, Saint-Colomban va abandonner la gestion de la signalisation à la ville de Saint-Jérôme. Dans un avenir prévisible, il n'y aura pas de changement. Non, c'est ça. Aux indications qui sont là actuellement. Voilà. C'est ça. Donc, on peut faire comme certaines personnes m'ont dit, on y va, puis si on voit qu'il n'y a pas de police, on tourne. Avec le risque toujours d'avoir une contravention. D'avoir une contravention, absolument. OK. Donc, rue La Montagne. Il y a un petit événement, un changement dans le taxi à Saint-Jérôme puis dans l'ensemble de Rivière-du-Nord aussi. Toi, tu as assisté à une conférence de presse jeudi dernier, je pense. Oui, et on a déjà, dans Topo Local un texte qui annonce la création d'une nouvelle compagnie de taxi qui s'appelle Taxi Rivière-du-Nord, qui est propriétaire de l'homme d'affaires Daniel Malenfant. Qui possédait déjà plusieurs taxis et que les gens connaissent peut-être parce que M. Malenfant a été l'initiateur du déploiement de taxis qui s'appellent des MV1, des espèces de gros taxis. Pour le transport adapté. Adapté pour le transport des personnes handicapées. Oui. Qui sont pas mal visibles dans les rues de Saint-Jérôme quand on les aperçoit. Mm. Alors, M. Malenfant, qui possède aussi plusieurs permis de taxi réguliers, a décidé de créer sa propre compagnie de taxi. Il s'est associé avec des opérateurs de taxi des municipalités voisines parce qu'ils anticipent que la nouvelle loi va faire en sorte que les permis de taxi vont être valides pour l'ensemble du territoire de la MRC, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, les taxis avaient des zones à l'intérieur desquelles ils avaient le droit d'opérer. Alors, un chauffeur de taxi qui, par exemple, détenait un permis pour Saint-Hippolyte pouvait accepter des appels provenant de Saint-Hippolyte, pouvait transporter des gens de Saint-Hippolyte vers n'importe quelle destination, mais ne pouvait pas, une fois rendu à destination, si c'était en dehors de son territoire, ne pouvait pas cueillir un nouveau passager et le transporter dans l'autre direction. Okay. Alors, ça évidemment, ça engendre des coûts, ce mode de fonctionnement-là, puis... Okay. Ça mais va ça, être modernisé. C'est ça. Puis c'est déjà quelque chose qui est assoupli dans le projet pilote sur la loi du taxi, n'est-ce pas? Pardon? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà un assouplissement dans la loi du taxi? Ou dans c'est le projet dans la loi, pilote, mais ou? La réglementation, elle, va être officielle seulement en octobre 2020. Ah, OK. Donc, ce que Daniel Malenfant puis Taxi Rivière-du-Nord, sa nouvelle compagnie, font, c'est qu'ils vont au-devant de la nouvelle loi. Ils changent déjà la structure. Ah, d'accord. Et ils s'engagent dans cette avenue-là avec un Petit changement, Taxi Saint-Jérôme, c'était une ancienne coopérative. C'était une compagnie qui appartenait à une quarantaine d'actionnaires. Et, bon, ce qu'on disait privément, ce qu'on entendait entre les branches, c'est que c'est pas évident de diriger une entreprise ou quoi que ce soit avec une quarantaine de patrons qui ont tous leurs priorités puis leur façon de voir les choses. Alors, dans le cas de Taxi Rivière-du-Nord, bien, il y a un propriétaire. Et les autres détenteurs de permis vont tout simplement choisir de faire affaire avec cette compagnie-là. D'accord. Très bien. Bon, ben on verra. Taxi Rivière-du-Nord, un nouveau numéro de téléphone aussi, hein? Je ne sais pas. Dans le fond, là, en ce moment, les deux compagnies sont actives en parallèle, d'après ce que je comprends. Ce qu'on appelait Taxi Saint-Jérôme et Taxi Rivière-du-Nord à côté. Et selon les rumeurs, puis selon ce qu'on entend, ben, il y a peut-être des gens, des détenteurs de permis qui vont migrer vers la nouvelle compagnie, mais tout ça, pour l'instant, ça reste des rumeurs, puis il n'y a rien d'officiel encore. OK, c'est bon, on surveille ça. Sinon, ah oui, il faut que je te parle d'une pierre angulaire, une pierre temporelle. Le mot en français, il est fragile, mais dans le fond, moi, je connais ça sous le vocable d'une time capsule. On peut pas vraiment traduire ça par capsule temporelle, parce que c'est comme si ça nous permettait de voyager dans le temps. Bien, en fait, ça nous permet un peu de voyager dans le temps. Bon, écoute, je vais te le dire. Oui. La Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, cette semaine, a récupéré un coffret en ciment scellé qui était dans un des bâtiments de l'hôpital de Saint-Jérôme qui va être démoli. OK? C'était... Oui. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle-tu l'édifice Jeanne-Mance? C'est là qu'il y avait la psychiatrie. Oui. Et à l'origine, ça avait été construit pour être une école pour les infirmières. C'est en plein ça que je m'en allais te dire. Voilà. Fait que... En 1957, quand ils ont inauguré l'édifice, ils avaient mis des choses dans la pierre en question. Pour la postérité. C'est ça. Pour les gens du futur. Le 12 février, ce coffre-là, scellé, va être ouvert après 60 ans. Et puis, en attendant, ben, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord invite les gens à suggérer... qu'est-ce qu'il pourrait faire avec le contenu encore inconnu de cette capsule. Donc, les suggestions sont ouvertes. La boîte à suggestions est ouverte. Et ouais. Puis, ben, nous autres, le 12 février, on va être là, on va regarder... les gens sont aussi, si je ne me trompe pas, invités à deviner qu'est-ce qu'il peut bien avoir. Ben, j'imagine, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Qu'est-ce qu'il y avait en 1957? Étais-tu vivant, toi, Charles? J'avais 3 ans. Alors, okay. j'étais pas à la cérémonie, ou en tout cas, si j'y étais, je ne m'en souviens pas. Non? OK. Non. Ce que je sais, c'est qu'il y a une autre capsule de ce type-là. Puis tu n'avais pas fait au moins de dessin. Une autre à Saint-Jérôme. Non, c'est ça. Dont je connais l'existence. Elle est dans l'édifice, dans le siège social de la Caisse Pop Rivière-du-Nord. Oui, en 2035, on va l'ouvrir. Bon, voilà. Alors, la date d'ouverture, dans ce cas-là, est déjà prévue. Il semble bien que c'est ça, la date. Il faudrait que je vérifie. Moi, je la regarde à chaque fois que je passe là, mais il me semble que c'est en 2035. Ouais, je mets ça tout de suite dans mon agenda pour 2035. Mets-toi un petit mémo. Oui, c'est ça. Oui. OK. Bon. Sinon, tu veux nous parler rapidement de deux autres sujets. On a eu la visite officielle à l'école secondaire des Hauts-Sommets la semaine dernière. La visite officielle de Michel Doyon. Oui. Qui est le lieutenant-gouverneur du Québec. C'est qui ça? C'est-tu le prince Harry de Victoriaville? Peut-être, si on veut. on peut l'affubler de toutes sortes de titres. Ouais. Le lieutenant-gouverneur, c'est une fonction qui est complètement symbolique. OK. Et qui est un héritage de l'histoire du Canada et du Québec. Il est, à titre officiel, le représentant de la reine au sein du gouvernement. Le lieutenant-gouverneur, c'est un membre du Parlement du Québec. Il n'est pas, évidemment, membre de l'Assemblée nationale, mais il existe dans la Constitution, le Parlement du Québec, qui autrefois avait deux chambres. Il fut un temps où le Québec avait aussi... le conseil législatif, il y avait une chambre à deux paliers. Tout ça, ça a été modifié dans les années 70, même les années 60, si je ne m'abuse. Mais tout ça pour dire que le Québec et le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. Ce que ça signifie, c'est qu'il continue d'avoir de la place pour un monarque ou un roi ou son représentant dans le mécanisme, dans l'appareil gouvernemental, sans toutefois que ces gens-là, cette institution-là, ait beaucoup de pouvoir. Mais c'est lui là qui dissout le gouvernement, ça se peut-tu? C'est-tu une de ces... Bien, une des choses que le lieutenant-gouverneur doit faire, comme le gouverneur général pour le Canada, là, c'est un calque de la même institution, il doit signer toutes les lois pour que les lois deviennent officielles. OK. Ah oui, OK. Wow. Alors, il lui arrive au lieutenant-gouverneur de se faire réveiller à minuit et demi quand les lois sont adoptées, parfois sous le bâillon ou à la suite de longs débats, quand le projet de loi est adopté et que le gouvernement juge indispensable que la loi entre en vigueur immédiatement. Oui. Le gouverneur général peut peut-être se faire convoquer à minuit et demi à venir signer le projet de loi, à partir duquel moment, quand il est signé par le lieutenant-gouverneur, la loi est officiellement en fonction. OK. Alors, ce mécanisme-là de promulgation des lois fait dire que le lieutenant-gouverneur pourrait avoir énormément de pouvoir, mais M. Doyon lui-même disait aux étudiants que jamais un lieutenant-gouverneur n'irait refuser de signer une loi démocratiquement adoptée par un ensemble d'élus. C'est tout simplement pas dans la tradition. Okay. Et la Constitution, le droit constitutionnel, c'est fait de textes, mais c'est aussi fait de pratiques et de précédents et de jurisprudence. Alors, M. Doyon expliquait que cette occurrence-là ne risquerait tout simplement pas d'arriver. Okay. Là où il a jeté quand même un petit éclairage sur le rôle qui reste dans le fonctionnement du gouvernement, c'est le fait que dans le cas d'un gouvernement minoritaire qui serait incapable de gouverner parce que la Chambre ne lui donnerait pas son appui, parce que l'Assemblée nationale n'appuierait pas le gouvernement, le lieutenant-gouverneur a un rôle très spécifique dans ces circonstances-là. C'est de réunir les chefs des partis politiques et de travailler avec eux à voir si un des chefs peut obtenir la confiance de la Chambre puis former un gouvernement. OK. Et le cas échéant, si ça se passe, le gouverneur général va inviter ce chef-là à former un gouvernement, puis il va rester au pouvoir tant et aussi longtemps qu'il va être capable d'avoir les votes de la majorité de l'Assemblée. OK, donc il y aura un rôle de médiateur. De Justin Trudeau pour le Canada. OK. Justin Trudeau, tant qu'il aura l'appui de quelques députés d'autres partis, il va pouvoir gouverner, il va pouvoir avoir une majorité en Chambre. C'est ça. Alors, mais c'est pas du tout le cas à Québec, où François Legault détient une nette majorité. Alors, dans ce contexte-là, le lieutenant-gouverneur a un rôle plus effacé. Puis là, M. Doyon, lui, il était déjà lieutenant-gouverneur au temps des libéraux... de Philippe Couillard, mais même... Oui, il arrive à la cinquième année de son mandat. Ah, d'accord. Et puis, le lieutenant-gouverneur, il est toujours nommé pour 5 ans. C'est la tradition. Et par la suite, parfois, on prolonge son mandat. OK. Bon, fait qu'il est venu parler aux élèves. Ah, il a fait ça. Il a fait ça avec beaucoup de bonhomie, de transparence. Et la conversation, sa rencontre avait l'allure non pas d'une conférence, mais plus d'une conversation fort sympathique avec les étudiants, bon. Qui avaient beaucoup de questions, dont certaines assez directes, comme par exemple, à quoi ça sert un lieutenant-gouverneur? Ben, c'est la question qu'on s'est posée au départ, toi et voilà, moi-même. Et voilà. Oui. Et puis, donc, c'est de ça que parle aussi le texte que j'ai fait à partir de cette rencontre-là. Puis, M. Doyon s'est prêté avec beaucoup de générosité, puis beaucoup c'est un homme qui, finalement, est très accessible. Il leur a raconté, notamment, le fait qu'il a appris qu'il devenait lieutenant-gouverneur sur un terrain de golf en répondant à un appel sur son téléphone mobile. Et il leur a raconté tout ça. Alors, je pense que pour les étudiants, c'était une expérience intéressante, d'abord d'en apprendre davantage sur les rouages du pouvoir, puis de parler à une vraie personne en chair et en os, qui ne s'est pas caché derrière un discours officiel, mais qui a tout simplement expliqué sa situation du mieux qu'il le pouvait, avec beaucoup de transparence. Ah, c'est bon. Puis sinon, en terminant, tu veux nous parler du phare. Le phare. Le phare, le phare, c'est un... Bon, il y a eu une annonce cette semaine à Saint-Jérôme, comme il y en a des annonces gouvernementales qui sont souvent routinières et qui sont souvent ordinaires et qui finalement se perdent dans la liste des annonces officielles. Le phare, c'est le fond... c'est le fond... d'appui au rayonnement des régions. Au rayonnement des régions. Le phare, d'ailleurs, va cesser d'exister le 1er avril 2020. Bon. Donc, d'ici quelques semaines. On commence non, à s'habituer. Non, c'est pas un poisson d'avril. Ça ouais. va véritablement disparaître le 1er avril 2020. Okay. Mais il va être remplacé par le FRR, qui est le Fonds Région et Ruralité. Le FRR. En d'autres termes, c'est pas mal du pareil au même, mais l'ensemble des gens qui réfléchissent à ces fonds-là qui font des colloques puis des longues réunions, changent de titre de temps en temps selon les orientations puis selon la vocation qu'ils essaient de donner à leur fonds. Ou même selon le gouvernement qui est au pouvoir. Parfois, oui, effectivement. Alors, l'histoire courte derrière tout ça, yes, sir. C'est qu'il y a quelques millions de dollars d'argent public qui est dépensé dans les régions et qui est versé par le gouvernement du Québec. OK. Dans les Laurentides, c'est combien? C'est-tu ça? C'était-tu pour les Laurentides au complet, le faire? Ce qu'on a annoncé, c'est pour les Laurentides au complet. C'était et combien? C'est un total de 6 millions de dollars sur 3 ans. OK. Alors, 6 millions de dollars, ce n'est pas des peanuts, si on veut, si on veut utiliser une expression populaire. Mais en même temps, 6 millions de dollars, c'est une somme infiniment petite par rapport à l'ensemble des deniers publics qui se dépensent sur ce territoire-là par le gouvernement. Mais ce qui distingue ces 6 millions de dollars-là, et c'est ce qui réjouit les gens qui participent au phare, c'est que cet argent-là et la gestion de ce fonds-là, c'est décidé par un comité directeur qui, oui, est nommé par le ministre des Affaires municipales, par le ministre responsable de la région. Mais ce comité-là est fait d'élus, des préfets de la MRC. Et donc, c'est des élus locaux qui distribuent de l'argent qui vient de Québec. Donc, c'est de l'argent qui vient de Québec, mais qui est distribué localement, selon des critères locaux, par un comité, un groupe décisionnel local. Okay. Alors, ça fait déjà à peu près... par plusieurs comme étant une façon modèle de dépenser de l'argent. Bon, on verra, mais là, écoute, ça fait déjà 3 minutes qu'on en parle, fait que, mettons que tu aurais 2-3 faits saillants, là, 2-3 projets qui ont été financés par le phare, question qu'on conclue. Quelques grosses dépenses dans le total de 6 millions. Bien, d'abord, on va parler d'1 million de dollars pour Moisson Laurentide, qui construit un nouvel entrepôt et un nouveau centre de distribution à Blainville. OK. Ça, c'est nécessaire, on le sait. Moi, pour avoir parlé aux gens chez Moisson Laurentide, dans le fond, eux autres, ils refusent. Ils refusent-tu du matériel tellement ils sont très, très limités dans les installations qu'ils ont. Alors, ça va leur permettre d'offrir plus de services à plus de personnes puis de distribuer plus d'aliments. Alors, c'est un projet que tout le monde salue. Parfait. Si je vais par ordre d'importance, il y a aussi un autre demi-million qui va être versé cette fois-ci à Grenville, parce qu'on parle d'un grand territoire. Là. On parle de l'ensemble des... De la région. Oui. Donc, à Grenville, il y a des terrains qui bordent la rivière Rouge qui vont être achetés par la région pour faire un parc. Alors, c'est des terrains importants et qui vont permettre véritablement l'installation d'un parc régional de part et d'autre de la rivière Rouge à la hauteur de Grenville. C'est bon. Et il y a aussi un autre 435 000 $ qui va servir à renforcer les infrastructures du parc linéaire du Petit Train du Nord. Ah oui, OK. Particulièrement dans sa partie nord où il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et puis, le parc linéaire du Nord, de la Rivière-du-Nord va recevoir aussi un autre 75 000 $ pour organiser un événement majeur dans le cadre de son 25e anniversaire qui va avoir lieu en 2021. Okay. Alors, le parc de la Rivière-du-Nord, le parc du Petit Train du Nord, pardon, est aussi un des bénéficiaires importants du phare. Oui. Parmi quelques autres petits projets intéressants, on va parler de 145 000 $ pour l'aménagement d'un stationnement écologique à la gare de Prévost. Il y a déjà un stationnement là, mais Prévost va obtenir 145 000 $ pour aider à installer un stationnement écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des surfaces qui ne seront pas, pas nécessairement un grand stationnement en asphalte qui pose des enjeux en termes de du ruissellement des eaux. Okay. Et aussi en termes de masse thermique puis d'îlots de chaleur. Ben oui. Alors, il y a ça des façons écologiques d'améliorer alvéolé ça, tu sais pas? Il va y avoir plusieurs tentatives, plusieurs expériences de fait dans l'aménagement du stationnement de la gare de Prévost. Est-ce que tu sais en quoi il va être aménagé? Tu ne sais pas. Je ne sais. On ne connaît pas les détails du projet. OK, d'accord. Ensuite, quelques petites affaires locales. Je vais t'en nommer trois. Le transport adapté collectif des Laurentides reçoit 105 000 $ pour tenter de développer une plateforme web pour permettre d'accéder au covoiturage dans la région. Alors, une espèce d'application qui va permettre aux gens de partager leur auto. Ben écoute, 105 000 $ c'est bon. oui, j'imagine qu'on verra comment ça va aboutir et comment ça va être dépensé, mais c'est ça le plan. Ouais. Il y a un autre 65 000 $ avais-tu commencé avec un groupe Facebook, juste pour voir s'il y avait du monde qui avait besoin d'un lift? Ou, parce que moi, le développement d'applications, là, je pense qu'il en existe déjà, des applications. Mais... C'est possible. Je ne sais pas dans quelle avenue. OK. Ben, de toute façon, je vais laisser de côté mon chapeau de développeur d'applications web, puis je vais te laisser finir de parler, parce que ça fait déjà 30 minutes. Alors voilà, deux ajouts supplémentaires qui sont parmi ceux que j'ai relevés. 40 000 $ pour un simulateur enfant haute fidélité qui va s'en aller à Mont-Laurier. On a déjà fait un reportage, les lecteurs de Topo Local. Okay, c'est un simulateur enfant pour les soins infirmiers. C'est un petit enfant pour permettre aux... Parfait. Oui. Et puis, ensuite, la création d'un centre de création et de travail multidisciplinaire à Saint-Jérôme par la Centrale des artistes. Ils ont obtenu une soixantaine de milliers de $ pour faire une étude de faisabilité. Alors, on peut-tu créer un endroit pour rassembler les créateurs puis les faire créer? Il y a en tout cas 60 000 $ qui vont servir à tenter à de lancer ce projet. À commencer de regarder ça. Mais c'était pas ça. Il me semble qu'à un moment, la ville de Saint-Jérôme avait acheté ou projetait d'acheter le vieux moulin pour faire ça. Sur le bord de la rivière du Nord, là, sur l'île. Là, c'était dans les intentions de la ville et c'est pas étonnant que ça s'incarne de façon concrète finalement dans le phare, okay. Puisque c'est largement les élus municipaux puis les municipalités. Là, l'objectif, ouais, comme je le disais au début, c'est que c'est de l'argent qui vient du gouvernement, mais qui est décidé localement pour des initiatives locales. Puis c'est tant au niveau des infrastructures que du social que de la culture, etc. Bon, ben, écoute, on va regarder ça se déployer devant nos yeux pour le reste de l'année 2020. À suivre. C'est bon. OK, ben écoute, on se reparle la semaine prochaine. Merci, Louis. C'est bon, salut.